On va s'écouter Gérard, le fils de mon oncle, avec les bons petits plans de régime et de logement à petit prix. Sandra est là pour voir comment je fais les débats. C'est Sandy qui les a fait à ta place une fois de plus. Putain, mais c'est pas vrai ce mec. Il y a Coco Benny qui a trouvé une annonce apparemment d'une recherche. C'est Roselyne 69 qui cherche un babysitter homme. Chiant la famille. Chiant la famille. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? C'est Christine hier ça. Savez-vous planter la chatte à la mode, à la mode. Savez-vous planter la chatte à la mode du chénon. Et on va s'écouter Jean Groove avec Groove, Baby Groove. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Oh, on va parler sur l'histoire de la DAS ou sur l'histoire des adoptions. Y'a rien à faire, je suis seul au monde. Et je vous suis dessus. Ah oui. Ok. Bonsoir, c'est cousin. C'est cousin. C'est cousin. Mais c'est carré. Tu l'appelles ça, tu sais mon nom de famille, tu l'appelles ça. T'es le fils de pute, tu dégages. Bonsoir, je suis tchétchène. Jean-Claude et l'autre. Je te préviens, toi, Jean-Claude, tu vas répondre. Ah oui, mais je vais répondre, y'a pas de problème. Hein. Putain, mais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est Mokhtar. Non, allez hop. C'est bon, allez hop. Vous m'en faites une gueule. Non, allez. On va s'écouter Dodo Alpayette avec j'ai tout perdu, ma mère Go, mon Bob et mon gosse. Contre jackpot, on donne ça à l'ancienne comme au bon vieux temps. Nos potes se traînent avec nous, si tu te rappelles du ghetto, jackpot. Mais moi, je voudrais que celui qui s'amuse à dire, à vouloir m'imiter, à dire bon ben et dire des conneries, qui arrête. J'entends encore une connerie comme ça, c'est fini. Non, oh, t'as vu, regarde-moi, c'est lamentable comment tu réagis, regarde ça. T'appelles Roberta et tu lui dis comme on te dit là, puis t'essayes de l'inviter à faire un verre. Laisse ma fille tranquille avant que je vais. Voilà. Avant que j'y nique sa mère. Il y a Blue qui voulait savoir si tu te laisserais sucer par une boulimique. Je sais pas si ça marche, parce que moi j'ai pas essayé. Non plus. Le 15e, j'en ai marre, vous me faites chier avec ça. On va s'écouter Pierre Dance avec Dance, Baby Dance. Tu veux du taf, pétasse, ta gueule blonde. C'est pas ta biquette, d'accord, tu perds ma peau de ta gueule, tu restes. Je veux mon cash négro, ça va être long. Voilà, ça recommence, comme d'habitude.